favoritisme, c'est pas tribalisme. Multipartisme, yeah, c'est pas tribalisme. Ni cribe kuma, tais-toi, yula. Cribe kuma, tais-toi, pété. Cribe kuma, tais-toi, baoulé. Ni cribe kuma, donne une tête-toi, boy, rejon. Les militaires sont fâchés parce qu'ils sont mal payés. Les policiers sont fâchés parce qu'ils sont mal payés. Les professeurs sont fâchés. Leurs trois syndicats bafoués. Les étudiants sont fâchés. Ils veulent plus de liberté. Papier Longuet et Mourouti parce qu'ils ont été cognés. Les médecins sont fâchés parce qu'ils sont mal payés. Les ouvriers sont fâchés parce qu'ils ont été compressés. Le gouvernement est fâché. Les caisses de l'État vidées. Baribana, Baribana, Baribana, Baribana, Baribana, Baribana, Baribana, Kuma, donne une tête, toi, est.